Paysan, paysan, hélas, vous aviez tort. Mais votre souvenir n'amoindrit pas la France. Vous fûtes grand dans l'âpre et sinistre ignorance. Vous que vos rois, vos loups, vos prêtres, vos alliés faisaient bandits, souvent vous fûtes chevalier. À travers l'affreux joug et sous l'erreur infâme, vous avez eu l'éclair mystérieux de l'âme. Des rayons jaillissaient de votre aveuglement. Salut. Moi, le banni, je suis pour vous clément. L'exil n'est pas sévère au pauvre toit de chaume. Nous sommes des proscrits. Vous êtes des fantômes. Frères, nous avons tous combattu. Nous voulions l'avenir. Vous vouliez le passé, noir lion. L'effort que nous faisions pour gravir sur la cime, hélas, vous l'avez fait pour rentrer dans l'abîme. Nous avons tous lutté, diversement martyrs, tous sans ambition et tous sans repentir. Nous, pour fermer l'enfer, vous, pour rouvrir la tombe. Mais, sur vos tristes fronts, la blancheur d'en haut tombe. La pitié, fraternelle et sublime, conduit les fils de la clarté vers les fils de la nuit. Et je pleure en chantant cet hymne tendre et sombre, moi, soldat de l'aurore, à toi, héros de l'ombre.